France Info. Et tout est plus clair. C'est dans ma tête avec la psychanalyste de France Info. Bonjour Claude Almos. Bonjour Gilles. Comme les adultes, tous les enfants entendent parler en ce moment du coronavirus, le nombre de cas recensés qui augmente, les mesures de précaution dans les transports, à l'école, des choses très concrètes dans leur quotidien. Mais les plus jeunes, surtout les tout petits, n'ont pas les mêmes moyens pour bien comprendre cette situation. Claude, ce n'est pas évident d'en parler avec eux, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que le silence n'est pas une option, parce que les enfants entendent parler du virus à l'extérieur, soit en écoutant à leur insu des adultes, soit par des plus grands qui peuvent relayer des informations fausses ou même en rajouter, comme on dit, pour les inquiéter. Et dans les deux cas, ils risquent d'imaginer tout et surtout le pire sans oser en parler, alors que s'ils ont été informés par leurs parents, ils se sentiront autorisés à le faire. Alors comment informer les enfants, surtout les petits ? La première chose, c'est de demander à l'enfant ce qu'il sait déjà et ce qu'il imagine pour partir de là où il en est, c'est important. Ensuite, il n'y a pas de méthode. Chaque parent parle comme il le peut et l'enfant n'a pas besoin d'un cours magistral. Il faut seulement éviter deux dangers. Minimiser, pour le protéger, la gravité de la situation, cela ne l'aidera pas parce qu'il sent très bien l'inquiétude des adultes, ou à l'inverse, pour l'inciter à la prudence, lui en faire un tableau apocalyptique. Il faut rester factuel. L'enfant a besoin de savoir qu'un virus, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui peut faire que l'on soit malade, circule. Ce qu'il peut provoquer, de la fièvre, de la toux, et comment il se transmet. Et il a besoin de savoir pourquoi ce virus inquiète. Parce que l'idée que beaucoup de gens peuvent tomber malade en même temps, ça s'appelle une épidémie, est toujours inquiétante. Et parce que cette maladie, qui n'est en principe pas grave, peut l'être pour des personnes affaiblies. Mais cette information risque d'inquiéter les enfants. Elle peut les inquiéter. Et si c'est le cas, on va s'en rendre compte immédiatement et on va les rassurer. Et il faut surtout, pour les rassurer, leur parler d'une part de tout ce que font les médecins pour prévenir la maladie et pour la soigner, et d'autre part, de ce que l'enfant lui-même peut et doit faire, comme tout le monde, pour se protéger et protéger les autres. Se laver les mains, éternuer dans son coude, etc. Et pour un enfant petit, ces explications peuvent avoir une dimension ludique. On peut expliquer que les virus sont des petites bêtes invisibles et très malines, mais que l'on peut être plus malin qu'elles, leur faire la guerre et la gagner. Et on peut lui donner l'occasion d'apprendre. La découverte des virus est une aventure passionnante et elle peut même faire naître des vocations scientifiques. De la pédagogie, du factuel, le comment, le pourquoi, finalement, c'est un peu comme avec les grands. Merci beaucoup Claude Almos et on se retrouve samedi prochain.